Comme cela arrive souvent le samedi vers 3 heures, les abords de la porte de Bercy étaient encombrés. Sur les quais, en quatre files, les voitures s'entassaient à la queue leu leu. Un quai chargé de fûts, de numéros de charbon ou de matériaux, charrettes de foin ou de paille, qui tous, usant clair et chaud soleil de juin, attendaient la visite de l'octroi, pressés d'entrer dans Paris à la veille du dimanche. Parmi ces voitures, et assez loin de la barrière, on en voyait une d'aspect bizarre, avec quelque chose de misérablement comique, sorte de rouleau des forêts, mais plus ample encore, formé d'un léger châssis tendu d'une grosse toile, avec un toit de carton bitumé. Les toutes portent sur quatre roues basses. Autrefois, la toile avait dû être bleue. Mais elle était si détente, salie, usée, qu'on ne pouvait s'en tenir que des probabilités à cet égard. Et même qu'il fallait se contenter d'à peu près si l'on voulait déchiffrer les inscriptions effacées qui couvraient ces quatre faces. L'une, en caractère grec, ne laissait plus deviner qu'en commencement du mot. Celle au-dessus semblait être de l'allemand graphi, une autre de l'italien fia. Enfin, la plus fraîche et française, celle-là, photographie, est évidemment la traduction de toutes les autres, indiquant ainsi, comme une feuille de route, les divers pays par lesquels la pauvre Gambard avait roulé avant de rentrer en France et d'arriver enfin aux portes de Paris. Était-il possible que l'un qui était attelé l'eût amené de si loin jusque-là? Au premier coup d'œil, on pouvait en douter, tant il était maigre, épuisé, vide. Mais à les regarder de plus près, on voyait que cet épuisement n'était que le résultat des fatigues longuement endurées dans la misère. En réalité, c'était un animal robuste, d'assez grande taille, plus haute que celle de notre endurant. Lancé au poil gris cendre avec le ventre clair, malgré les poussières des routes qui le salissaient. Des lignes noires transversales marquaient ses jambes fines aux pieds raillés. Et si fatigué qu'il fût, il n'en tenait pas moins sa tête haute d'un air volontaire, résolu et coquin. Son harnais se montrait digne de la voiture, rafistolé avec des ficelles de diverses couleurs, les unes grosses, les autres petites. Au hasard des trouvailles, mais qui disparaissaient sous les branches fleuries et les roseaux, coupés le long du chemin dont on l'avait couvert pour le défendre du soleil et des mouches. Près de lui, assis sous la bordure du toit, s'était née une petite fille d'11 à 12 ans qui le surveillait. Son type était singulier, d'une certaine incohérence, mais sans rien de brutal dans entre les apparents mélanges de races. Au contraire de l'inattendu de la chevelure pâle et de la carnation ambrée, le visage prenait une de sœurs fines qui accentuait les yeux noirs, longs, futés et gras. La bouche aussi était sérieuse. Dans l'affaissement du repos, les corps s'étaient abandonnés. Il avait les mains grasses que la tête, à la fois délicate et nerveuse. Les épaules étaient souplées d'une ligne menue et fuyant dans une pauvre veste carrée de couleur indéfinissable, noire autrefois probablement, les jambes volontaires et fermées dans une pauvre jupe large en loque. Mais la misère de l'existence n'enlevait cependant rien à la fierté de l'attitude de celle qui la portait. Comme l'on se trouvait place derrière une haute et large voiture de foin, la surveillance ne fut été facile si de temps en temps il ne s'était pas amusé à râper une goulée d'herbe qu'il tirait discrètement avec précaution. Un animal intelligent qui sait très bien qu'il est en faute. Palicard, veux-tu finir? Aussitôt il vassait la tête comme un coupable répétant, mais dès qu'il avait mangé son foin en clignant de l'œil, en agitant ses oreilles, il recommençait avec un empressement qui disait sa fin. certains moments, comme elle venait de les rendre pour la quatrième ou cinquième fois, une voix sortit de la voiture, appelant « Perrine !» Aussitôt sur pied, elle se leva en rideau et entra dans la voiture. Une femme était couchée sur un matelas immense qui semblait collé au plancher. « As-tu besoin de moi, maman ?»« Que fait donc Palikère ?» Il mange le foin de la voiture qui nous précède. « Il faut l'empêcher. » Et la faim. La faim ne nous permet pas de prendre ce qui ne nous appartient pas. Que répondrais-tu au charretier de cette voiture s'il s'est fâché? Je vais le tenir de plus près. Est-ce que nous n'entrons pas bientôt dans Paris? Il faut attendre pour l'octroi. Longtemps encore? Tu souffres davantage? Ne t'inquiète pas. Le tourment dure enfermé, ce n'est rien, dit-elle d'une voix attelant, sifflée plutôt qu'articulée.